En Corée, les permanents et les membres de l'Union des travailleurs agricoles ont planté jusqu'à présent plus de 6 640 000 d'arbres pendant la période de plantation printanière de cette année. Les membres de la ville de Pyongyang ont planté au haut-lieu révolutionnaire de Mangyongdae et ailleurs des dizaines de mille arbres comme pin pignon et abricotier blanc. Les membres de la province du Pyongyang du Nord ont planté 760 000 arbres de bonnes espèces au bord des routes et cours d'eau. Les membres des autres provinces, y compris les provinces du Gangwon, des Fangye du Sud et du Nord, du Pyongan du Sud et du Hamgyong du Sud, font preuve de leur patriotisme dans la plantation printanière.